que l'écrivain continue la danse. Prostitue ton prochain, évite la renaissance. L'évêque nous prévient du mal et de sa délivrance. Échec, on s'ennuie, échec, plus rien nous surprend. Échec, rien à faire ici. Échec, rien de distrait, tombé dans l'oubli où est l'interdit. Échec. Miséreux de vérité, fil d'acier barricadé dans un enclos acharné à la tâche contre un sous-vase clos. Enragé en vouloir au monde entier, l'énergie sous vide, debout de mille idées, effervescence, explosion, comme un glaçon, attention, échec, on s'ennuie, échec, même les autres vies, échec, destruction imminente, échec, crève au cœur. Paravent chargé d'espoir, que reste-t-il à présent? Aurions-nous pu atteindre la gloire sans hésiter tout le temps? Et cette poussière qui nous tient nous met à l'écart du jardin. Et demain, toujours plus loin de nos rêves, que reste-t-il de nos rêves? Et demain qui nous tient, celle qui nous lâche, celle qui est là, quoi qu'il advienne. Et cette poussière qui nous tient à l'écart du jardin. Et cette poussière qui nous tient nous recouvre un peu plus de son lendemain. À nos rêves tendus qui s'éloignent un peu plus de son but. Paravent chargé d'espoir, mais que reste-t-il à présent? Aurions-nous pu atteindre la gloire sans hésiter tout le temps? Paravent chargé d'espoir, que reste-t-il à présent? Aurions-nous pu atteindre la gloire sans hésiter tout le temps? Paravent chargé d'espoir, que reste-t-il à présent? Aurions-nous pu atteindre la gloire sans hésiter tout le temps? Et s'il n'y avait plus d'avenir, que les destins se soient arrêtés, plus de rire, plus de tuer, que des regards inachevés, comme le générique du gouvernement. On a sûrement mieux à faire que se laisser aller. On a sûrement mieux à faire, pourtant rien ne se fait. On a sûrement mieux à faire, même à dire la vérité. On a sûrement mieux à faire, à quoi bon participer? Et s'il n'y avait que les souvenirs, que l'offre s'était arrêté, une arrière aurait un vide sans une pensée. On a sûrement mieux à faire qu'à se laisser aller, on a sûrement mieux à faire. Pourtant rien ne se fait, on a sûrement mieux à faire. Même à dire la vérité, on a sûrement mieux à faire. À quoi bon participer? Comme un poisson qui ferait tourner en rond toute cette haine, toutes ces mensonges. Faut-il être manipulé? Faut sortir de là où l'on ne sort jamais. Il faudrait ça tourne en rond, tu sais, juste quand c'est bon. L'homme ne sait plus s'arrêter. Le bonheur, il le voit être passé. Comme un cycle des spirales qui se rejoignent, comme un ressort, des miroirs qui n'ont plus de reflets. On a sûrement mieux à faire qu'à se laisser aller, on a sûrement mieux à faire. On a dire la vérité, on a sûrement mieux à faire. Pourtant rien ne se fait, on a sûrement mieux à faire. À quoi bon participer?